Yo-Yo 89.5. Une mardi sur 2 à 21 heures. Et aussi sur radio-rageuse.net. Bonsoir. Bonsoir. On est le mardi 1er mars et il est 21h08. Vous êtes en direct dans Comme un ouragan, une émission féministe et transpédéguine sur Radio Dio 89.5. Il y a deux semaines, on vous avait parlé du brouillard, mais on était loin de se douter qu'une très mauvaise nouvelle allait plonger certains et certaines d'entre nous, nos amis, et aussi une partie de notre communauté, dans un brouillard plus épais ces derniers 15 jours. Dans la nuit du 15 au 16 février, Noé est partie. Elle avait 35 ans et était une meuf trans, agent et pansexuelle qui vivait à Rennes. Celle qui la connaissait savait que ces derniers mois, années, ont été difficiles pour elle. C'est le cœur lourd que ses amis et proches ont partagé ces tristes nouvelles. Cette émission de Comme un ouragan, qui devait être une émission musicale consacrée au queer punk, eh bien on se devait de la dédier à cette queen of punks, notre amie Nou. Pour elle, mais aussi pour tous nos amis transpédéguines qui souffrent et à qui elle va manquer. Tous, c'est eux qui essayent de survivre et de se battre dans ce monde hostile. Alors pour cette émission tout à fait spéciale, des amis nous ont envoyé des sons, ont composé des morceaux, enregistré certains de ces poèmes. On les remercie, on les embrasse fort et on espère que ça vous nous donnera un peu de force pour les prochaines semaines, mois, car cet ensemble contiendra. Aussi, on voudrait en profiter pour rappeler que des funérailles, ça coûte cher. C'est pourquoi ses amis et ses proches ont fait une cagnotte pour aider sa famille à payer les obsèques et les différents frais liés à son départ. Nous savons qu'un soutien financier est une maigre consolation pour sa famille, mais nous espérons quand même qu'au-delà d'alléger le poids financier lié à son décès, cela puisse aussi être aussi un témoin d'à quel point elle pouvait compter pour un grand nombre d'entre nous et de tout l'amour qu'on lui porte. Le lien PayPal pour participer, c'est paypal.me/cagnotteno. Et on mettra le lien dans le descriptif de l'émission. Amour et rage. Je sais pas à quel point tu sais ce qui s'est passé, mais moi je comprends rien. Pour moi c'est l'aube, alors j'ai vraiment la tête dans le brouillard. J'ai posé une vieille chaise blanche, en plastique, face à la grande friche avec des bouts d'herbe encore gelés de nuit. Je sais pas à quel point tu sais ce qui s'est passé, mais moi je comprends rien. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer. Ça voudrait dire que je te ramène à un endroit dur, violent, glauque, même si c'est le mot. J'ai besoin de sentir que tu es là. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer. Je sais pas à quel point tu sais ce qui s'est passé, mais moi je comprends rien. Épuisé, fatigué. Envoyer texto, appeler Léo, checker tout le monde. Diane me dit, elle est morte. C'est mercredi, je confie, je pleure, je crie, j'écoute. Premier contact, premier câlin. Elle est au fond du canapé, à côté de la fenêtre. On ferme la femme du collectif. On se rencontre, on s'organise. je dors mal, elle me manque. Réveil, larmes et angoisse, et je dis, rendez-vous trop tôt pour parler, mais en fait, on n'a même pas parlé. Traîner, pleurer, commencer, s'organiser, les trucs. Je vais chez nous pour chercher des habits pour l'habiller pendant la cérémonie. Il y a son odeur, ses objets, mes souvenirs, Aglaé, la petite plante. On cherche dans ses tristesses, ses larmes, ses colères. On retrouve Martine, ses larmes, ses tristesses, ses colères. Je dors mal. C'est vraiment nul, les voitures. C'est vendredi, rendez-vous psy, je pleure, je tape sur mes épaules, je reprends la Twingo, j'arrive à la Châtaigne, je récupère tout le monde, je décolle vers Gauvin, je vais chez Martine avec Louison. Arrivée dans la petite maison sombre, elle disait l'eau qui vient du bas, elle disait partir, elle voulait pas être là, elle voulait partir loin de la Normandie, elle disait ça. Son frère pleure et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de lui raconter à elle que son frère pleure dans mes bras et que je sais pas comment faire de son frère qui pleure dans mes bras. Il y a le feu qui s'éteint, il y a le sleeping dans la cheminée, on est samedi, on part trop tôt, on ne dort pas assez. On se transmet des infos, on a peur, on appelle Bastien, il y a le collectif, on a tous envie d'être seul, mais on n'arrive pas à être tous ensemble. On sait vraiment pas quoi faire de nous. C'est dimanche, on arrive, on pleure, on fait des blagues, elle est morte. Il y a une musique, genre pseudo Requiem, moche, et des photos de la baie du Mont-Saint-Michel et aussi de l'Asie du Sud-Est. Elle est là, morte et endormie à la fois. On fait des blagues. De toute façon, on n'arrive pas à faire autre chose. On fait des blagues, la Normandie, c'est toujours un peu nul. Elle disait, je veux partir. C'est lundi, injection, testo. Moi j'ai dit, ça me va pas ce qui est en train de se passer. Je rase des crânes, je passe la soirée à la Châtaigne, il y a trop de monde, il y a beaucoup trop du monde, il y a beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop de gens. Et surtout, je sais pas quoi foutre de ma vie, je sais pas quoi foutre de ma tête, je sais pas quoi foutre de mon corps. C'est mardi, mais j'ai pas du tout envie d'être mardi. Elle me manque, ses sourires, ses étoiles, ses souvenirs. Il y a tous ces gens qui savent pas ce que je fais là, qui me regardent avec un air compatissant, et je sais même pas qui c'est. Thank you. trésor. Nous trouverons un ciel sans l'amour de Dieu, à nos paradis sans fin. Direct sur 89.5 Radio Audio dans Comme un ouragan, et on vient d'écouter une petite impro faite hier après-midi par plusieurs trans tendresses amies de nous. Il y a ses yeux couleur froid, mes mots ricochés, nos corps transfigurés et les paroles qu'on s'échange sous le manteau. Elle dit avec toi je pense à rien, c'est bien. Elle dit j'ai envie de t'aimer. Et elle m'écoute avec précision. Les mots qui s'épuisent à force d'être dits, et son corps à elle et mon corps à moi, sa peau est partout, son odeur d'orage, ses doigts qui glissent dans mes doutes dociles, et mes poils improbables, et ses seins doux, et ses doigts qui flamboient quand ils touchent ma peau. Lèvres espiègles, regard pailleté, oreille à l'affût. Elle dit, tu es magnifique, elle dit, je te fais confiance. Je flotte dans l'amour juste quelques centimètres au-dessus du monde. Elle est réelle, elle existe, elle est morte. Faire désir à deux et je fonds dans l'amour et les quelques barrières posées ne tiennent pas grand-chose à la marée de mes sentiments. Elle fond plusieurs fois, petit glacier en larmes, elle petite lumière sur mon chemin rocailleux, à cran de falaise, à cœur de pierre, je me sens suffisamment être. Elle dit mort, colère, agression, trauma, suicide, elle dit agression encore, elle hurle, fuite, vite. Elle pleure à chaudes larmes, ce monde impossible qui nous cerne de près, les virgules mises n'importe comment, n'importe où, entre nous. Il y a nos corps trans et les paroles vaines à nous soigner et le monde mort sanglant, il y a mes mots impuissants. Il y a aussi les regards farouches et les écoutes exigeantes qui permettent l'existence. Les complicités complexes où on fait face front contre front, ensemble et entière, les joies juteuses jour après jour. Plaisir dans l'air moite, désir dans l'aine moite. Se filer de la tendresse en filament couleur cristal et ciseler les vides brûlants autour de nous. Tisser les petites lumières du matin et créer espoir et entourage. se tenir, intense. Merci pour Air Moite, Amour Trans. On va maintenant écouter un autre morceau, composé par Thor, Les Derniers Jours, avec un texte inconnu de No. Ça s'appelle « Son cœur déborde ». Tu es dans ta maison à chauffage automatique, tes chaussures en feu, et mets au micro-ondes un verre d'eau en métal qui n'a pas de surnom. Tu arrives à la réalisation que l'humour est la seule chose qui existe. Tu achètes 5 gâteaux, tu brûles de la pornographie en inhalant la fumée. Métaphore facile, te dit ta mère, en sortant de son laboratoire avec un prêtre. Je vais développer ça en tant que science, des orgasmes à deux dimensions, un rire perpétuel. Puis elle te raconte quelques conneries sur la lumière et l'obscurité. Tu sors de la maison et exhales la fumée sur le visage d'un enfant qui ensuite se tire une balle dans le visage. Tu ris. Un ange t'invite à aller à chaque buffet en Amérique, où tu jouis dans une blessure ouverte dans ton œil. Tout le monde rigole, tu vas dire tous les mots qu'il y a. La transphobie tue. La culpabilité par rapport à nos propres addictions et le jugement des autres sur nos dépendances détruit aussi à petit feu. Ces derniers jours, je repense beaucoup à toutes les discussions que j'ai eues avec nous sur notre rapport à l'alcool et à tout le reste. Et notamment des textes et des enregistrements d'une discussion sur les trous noirs qu'on avait préparé ensemble pour une émission de radio. Du coup, j'avais envie de vous partager un petit bout de tout ça. Le premier texte que vous allez écouter, c'est un texte écrit par nous qu'elle m'avait envoyé pendant une des périodes de confinement. Et les extraits suivants viennent d'une longue discussion à trois, qui dure 40 minutes, que vous pouvez retrouver dans Le Feu, la Rage, l'Orage numéro 18. L'émission, elle s'appelait Il reste du gin tonic, c'est disponible sur Radio Rageuse. Je pourrais vous faire des trigger warnings, mais là j'en ai pas vraiment envie, parce que j'ai envie qu'on arrête de se cacher et d'avoir honte. Ce sont nos réalités et c'est important qu'elles soient entendues. Dépendance. J'ai bataillé avec la dépendance la majeure partie de ma vie. Je n'ai pas de souvenirs n'impliquant pas de codépendance. Je n'ai jamais été autonome, que ce soit les autres ou les substances, bien souvent les deux à la fois. Je n'ai jamais fait sens. Mon alcoolisme d'une part, ma dépendance affective de l'autre, ce sont les deux piliers d'un plus vaste temple d'addiction. Du sexe aux anxiolytiques, des achats compulsifs aux différentes drogues rencontrées au gré des rencontres. Le cercle est vicieux, car les unes mènent aux autres, remplaçant sans cesse la précédente dans une recherche de combler le vide de l'existence. Avec toujours au centre, l'alcool. Comment alors se lier vraiment, lorsque les seuls liens durables sont ceux du manque et du contentement de celui-ci? Une fois n'est pas coutume, je me retrouve face au mur, dans le fond d'un énième trou, et me dit qu'il serait bon que j'arrête de boire. Je ne sais même plus combien de fois j'en suis arrivé là. Je n'ai que 33 ans. L'ivresse est une chute, tantôt salvatrice, souvent destructrice. Non. Salut, du coup c'est Noah là, et du coup c'est une réponse à Matt. C'est de l'alcoolisme et les trous noirs et tout. Et non. Moi je suis j'ai 33 ans là. Et je suis alcoolique depuis que j'ai 15 ans. Donc ça fait 18, 19 ans, je sais pas trop compter. Mais à peu près ça. Et depuis que j'ai commencé à boire en fait. Je suis alcoolique. Et j'ai des trous noirs aussi depuis le début. En fait, pour moi c'est pas progressif. Je me souviens pas de mes fins de soirée quoi. Et tous mes amis et surtout mes anciennes amies pour vous le dire. Et voilà. Bon, là, je bois une bière. J'arrive pas à être abstinente. Et bon. Je sais pas trop quoi dire à propos des trous noirs, je crois. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est lié à l'alcoolisme en fait. C'est pas un truc physique ou. Un truc comme ça. Juste, on est des enfants sensibles. Et puis, bim, tu balances ça sur nous, bah ouais. On peut pas gérer quoi. Pas trop quoi dire de plus. Enfin, moi j'ai grave fait de la merde dans ma vie, dans ces trous noirs, c'est clair. Enfin, j'ai fait le pire de ma vie dans ces trous noirs, c'est sûr, et il y en a beaucoup. Mais ben, maintenant j'aimerais être une meilleure personne et tout, hein. Mais bon. Mais en effet, dans le trou noir, bah, tu sais pas ce que tu fais, quoi. Et en fait, c'est l'inconscient qui gère. Et tu me dis des trucs assez affreux à des gens, des fois. Je sais pas, moi je me disais, on pourrait intégrer d'autres thèmes aussi, bien qu'il y a beaucoup de thèmes déjà, d'intégrer dans ce truc. Mais par exemple, on pourrait parler de tristesse. Hein. J'ai rencontré pas mal de personnes alcooliques dans ma vie et en vrai ce qui nous unit c'est plutôt ça quoi. C'est pas seulement le produit, c'est aussi le sentiment qu'il y a derrière. Et ce qui me semble être le premier sentiment c'est ça. J'ai envie de rebondir sur la question de l'estime de soi. Quand on a été dépossédé, comme tu le dis. Et en effet, c'est quelque chose de compliqué. Quand je peux te donner l'exemple de moi, ce que je vis, en fait, c'est bah plus ça va, moins je m'estime, en fait. Du coup, c'est pas thérapeutique comme exemple, mais c'est ça qui se passe. Et en fait, plus je me défonce, moins j'ai envie de me fréquenter. Et sachant que les autres voient ça, et comme tu le soulignes, sans rappel, alors que toi non, Et ben, ça donne encore moins envie de quoi que ce soit, quoi. Et je sais pas, ouais, c'est des pratiques possiblement autodestructives. Je suis pas sûr à 100% de ça. Bien que quand même, il y a de la destruction là-dedans, tout. Ça c'est sûr. Mais je pense que l'autodestruction, c'est peut-être plus complexe que ça. Voilà, c'était des paroles de No sur le morceau Pleurs de son projet solo No Friture, suivi du morceau Je m'emmerde de traître. On va continuer avec un petit enchaînement de poèmes de No sur du son de Abstract Nail Polish, un de ses autres projets musicaux. On est des queers, des trans, des gwyns, des putes. On se donne de la force à plusieurs, mais souvent on est seul avec nos larmes. On se cache pour pleurer. pleurer parce qu'on a honte de vouloir mourir, d'abandonner. On est crevé. Et finalement, certaines d'entre nous vont plus loin et crèvent pour de vrai. Nos sourires de façade, forcés parce qu'être triste, c'est nul, sont des faux semblants. Nos vies sont dures et elles nous font mal. Et c'est invisible parce que ce que l'on voit, c'est juste qu'on est des monstres. Et quand l'une d'entre nous se crève, on s'étonne encore. Même nous, on s'étonne parce qu'on refuse de se regarder en face. Nos cris sont sourds. J'aimerais vous dire tout l'amour que je voudrais qu'on se fasse, mais je suis désespérée. Je ne sais plus quel mot crier. Écoutons-nous pleurer plus fort, s'il vous plaît. Sinon, on risque de tout y rester. Dans la rue, on se tient par la main. Souvent, presque, toujours. Sans se l'être dit, je sais plus. Et pourtant, toujours, presque, ma main dans la tienne. Inversement. Est-ce que tu cherches à transgresser? Est-ce que c'est moi qui ai pris ta main? Une première fois, je me souviens plus de ça. Pourtant, je me souviens de ces premiers temps. La gêne parfois, toujours révélatrice d'un « je t'aime », n'est-ce pas? On se prend la main, comme on prend un train. Toi les covoites, moi les trains. J'ai peur des gens, pas de toi. Ta main là, c'est une armée contre le monde. Les gays et les gouines se tiennent la main, parfois. Mais nous, ni l'un, ni l'une, ni l'autre, on se prend la main. Indochine, garçon au féminin, fille au masculin. Non-binaire ou non-binaire. Il fait beau, il y a l'amour et l'amitié, je pleure pourtant. Une peine inconnue, indicible, qui transperce le soleil et le cœur. Chaudes larmes mêlées de sueur, les cheveux bleus, les idées noires. Des mots à mort, mais s'il te plaît, jamais la mort. Mélancolie avec style, romantisme, désuétude. Je ne veux plus pleurer. Cette nuit, une nuit, nous n'avons rien. C'est boire des bières au réveil et le suicide, toujours le suicide. Y mettre fin, toujours la fin. Suicide social, la mort plutôt que la mort, se penser seul, vivre en colère, sans avoir droit à la colère, se reconnaître, bricoler parfois des petites choses même pas, ne plus parler et ne plus lire, le sens a perdu tout son sens. J'aimerais vous dire, mais je ne veux pas, mes vies de mort, et rend la rue sans les moyens, un bruit sourd et incessant, mettre du son pour pas entendre, ne pas se laver, à quoi ça sert, ne plus sortir, finalement, trop de violence, à l'intérieur, à l'extérieur, pas plus déçu. Je fume le mégot dans le froid de ce matin, écharpe et bonnet sous la couette, le café est tiède et dégueulasse, comme moi quoi. Sober, c'est l'ennui et la chienlit. Je suis seule dans mon lit, les pensées m'atrophient et l'angoisse, c'est l'angoisse. Je me bourre de médoc à calmer mes ardeurs. Boîte en alu plein la tête, quand ce point de l'ivresse me tire hors de moi-même. Si mes larmes pouvaient parler, on comprendrait mieux ce qu'il se passe dans moi. Car même moi, je comprends pas. Mais j'imagine ce que tu vois. Pourquoi tu pars, pourquoi toujours? Je me sens si seul. Incapable d'aimer sans tout briser, et tant besoin d'amour. Combien de larmes pour remplir la piscine? Une nuit en septembre, pas loin de Saint-Tropez. Je rêvais que la mer et moi dans la piscine, nous faisions des enfants que nous aurions rêvé. Combien de larmes ou bien combien de jeans il faudrait pour que l'eau me remplisse les yeux? Je voudrais que mon cœur et moi dans la piscine, nous puissions de nouveau retomber amoureux. avait pris mon cœur, noyé dans la piscine, comme une clé qu'on égare, en sautant malgré soi. Combien de larmes pour couler la piscine, et que je puisse enfin me mouiller les cheveux. Le portrait d'une femme, là près de la piscine, rappelle à mon cœur que le ciel était bleu. Vous êtes toujours en direct sur le 895 de Radio Audio à Saint-Étienne et on vient d'écouter le morceau La Piscine de PR2B, un des derniers morceaux sur lequel No Queen of Punks a dansé. Et nous aussi, un peu dans le studio, on a dansouillé dessus. En buvant du gin. En buvant du gin. On s'approche de la fin de cette émission. Et pour terminer, on avait envie de vous partager des projets musicaux que No avait en cours. On commence par le morceau « J'ai peur et j'aime ça » d'un groupe éphémère, Ténèbres. Et ensuite, on va écouter un morceau de « Straight Panic Defense » de SPD. Déforme à ton contact les espaces qui rétrécissent et s'agrandissent en même temps. Tout va trop vite ou je sais pas, nos cœurs de se balancer à la va-vite. J'aime ça, tout est peur, tout fait désir. Les petites piqûres insatiables, la fin de toi et du monde. Tout prendre, tout est trop ou si peu, je voudrais tout. Tu es là, je t'admire, tout est désir. Je ne désire rien qui n'existerait déjà, et si grand et si nouveau. Ton intensité qui dévore la mienne ou l'inverse, peu importe, je sais pas. Mon corps qui hurle un seul mot de tout ce que mes terminaisons nerveuses sentent, toi. Tendresse, tempête, tristesse, perdu, je te sens plus, toujours plus. Tendre et triste la tempête, toujours inquiète, toujours seule, jamais sans toi, nos corps heurtant les vagues d'un monde fini, plus rien là, sinon toi, j'ai peur et j'aime ça. Et vu que vous n'avez pas compris les paroles, je pense on va vous les lire maintenant. Homo, hétéro, ça n'a plus de sens, je suis trans, trans. Gender queer, non-binaire, alors ton attirance chelou, où tu penses, tu te la fous. Je suis pas ton fantasme, une meuf habite ou pas. T'aurais pas dû le dire avant, ta straight attitude, on n'est pas là pour toi. Des fois, même on baisse pas. Alors moi aussi, je t'attaque en justice, tu vas pouvoir dire de la merde. Et moi, je vais dévoiler tes vices, queer terror project, alors voilà ce qu'on projette. Très belle parole. Et du coup, pour info, la Gay Panic Defense, ou argument de la panique homosexuelle masculine, dérive des crimes de haine contre les homosexuels. Et est malheureusement une défense, alors dite partielle en général, est utilisée dans les affaires d'homicide. Les accusés peuvent, grâce à cette défense, alléger leur peine en affirmant avoir agi dans un état de violence momentanée causée par un prétendu état psychiatrique appelé panique homosexuelle, face à des avances faites par une personne de même sexe. Donc, les avances n'ont pas à être violentes ou forcées pour justifier une telle défense, qui permet à l'accusé d'éviter une peine à perpétuité. Et il existe également une trans-panic defense qui est parfois utilisée dans les cas d'homicide dont les victimes sont des personnes transgenres ou intersexuées. Et quand même, on voudrait rappeler que la prison et les peines de prison, ça aide pas, ça n'a jamais sauvé personne. Voilà. Je sais pas, c'était un peu bizarre ce que je viens de dire, je suis un peu perturbé. Désolé pour les auditeurs. On s'approche un peu de la fin et on avait envie de vous lire les paroles d'un autre morceau de Straight Panic Defense qui s'appelle Les Cuillères. Car les aiguilles, les couteaux, les lames de rasoir, le sang, avoir mal, se faire mal, ce sont aussi des sacrés échappatoires pour quelques-uns et quelques-unes d'entre nous. Peut-être encore une passion commune. Cuillère. J'ai pas la cuillère, mais j'ai des couteaux. Des lames de rasoir, des aiguilles et mes larmes. Je serai ta cuillère, la petite ou la grande. C'est toi qui décides. You are the power of bottom, and I am the service top. Et ce sera doux. Nos sangs couleront et se mélangeront. C'est un péché pacte avec le démon. On en a des démons qui nous apprivoisent. Et je me couperai plus profond que la mort, aussi longtemps que ton corps touche mon corps. We'll be right back. qui t'enfuis, tirant ta révérence. La forêt de nouveau frémit. Je profite du silence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, première détonation résonne. Un coup de feu vite mon corps qui frissonne. Toujours sur Radio Jo, dans Comme un ouragan, et c'est un peu le moment de se dire au revoir, de remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des sons. Merci très fort, très fort, très fort. De remercier aussi les copains de, les copines de Comme un ouragan avec qui j'ai fait cette émission ce soir, et aussi celles qui sont pas là. Voilà, parce que c'était important de pouvoir faire cette émission. D'envoyer plein d'amour et d'orage à toutes celles à qui elles manquent déjà. Au revoir nos Queen of Punks, et surtout on lâche rien. On va se quitter avec deux morceaux, un morceau de Sinead O'Connor qui s'appelle Nothing Compared to You. Désolé pour un accent pourri. Non, c'était parfait. Et aussi un petit morceau qu'on m'a envoyé en dernière minute. C'est un morceau de Jean Ferrat qui s'appelle Je ne suis qu'un cri. Voilà, donc un jour, peut-être pour une émission plus joyeuse, on ne sait pas parce que. En même temps, bon, on ne sait pas. Et en même temps, ce ne serait pas grave. Ouais, non, voilà. On vous embrasse très très fort. Ouais, plein de force et plein d'amour et de rage à toutes les personnes qui nous écoutent de loin là, et puis surtout ben on se tient ensemble quoi. À bientôt alors. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Nothing Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis qu'un cri. Non, je n'ai rien de littéraire. Je ne suis pas morceau choisi. Je serai plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas guide ou bréviaire, ni baratin, ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Je n'ai pas de fil à la patte. Je ne viens pas d'une écurie. Non, je ne suis pas diplomate. Je n'ai ni drapeau, ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu, ni blanc, ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate de ces cris-là qu'on interdit. Je ne suis qu'un cri. Je ne suis pas cri de plaisance, ni gueulante de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais être un autre bruit. Être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis. Tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Mais je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie.